Aujourd'hui, on a le plaisir de voir Rotsia, qui, malgré son jeune âge, a écrit un grand nombre de livres. J'étais un peu étonné en regardant sur les sites de libraires. Donc, je crois que tu as fait une thèse sur Kotkin, ouais. et tu enseignes la philo en lycée. Ouais. Donc, la thèse n'a pas servi à faire une carrière universitaire. Non. C'était pour faire plaisir. Voilà. Enfin, tu nous en diras plus sur pourquoi Kotkin. Donc, plusieurs livres. Pourquoi tant de tolérance en 2009, Léon Tolstoï en 2013, Kropotkin déjà en 2014, un livre sur le désert de la critique en 2015, Kropotkin encore en 2015, un russe dont tu nous parleras peut-être, Alexandre Chaïanov, qui est moins connu, le socialisme paysan en 2017, Le sens des limites sur le capitalisme en 2018, et le livre dont on va parler aujourd'hui, donc Pierre Kropotkin, Agissez par vous-même, paru aux éditions Nada. Les éditions Nada, dont je vous conseille de regarder le catalogue, parce qu'ils font 4-5 livres par an, mais des belles choses. Il y a notamment un livre sur le syndicat américain IWW, les IWW, qui est un livre graphique qui est très joli, qui vient de sortir aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, je vais me taire, que tu fais partie de la revue Réfraction, peut-être entre autres. Réfraction, parce qu'on a les derniers numéros. Donc il y a un comité de rédaction, tu n'écris pas forcément dans tous les numéros, mais tu participes à certains numéros. Voilà. À toi la parole. Allez. Merci à vous. Ce que je vais faire, c'est parler à peu près 40 minutes, pas beaucoup plus, comme ça on a du temps pour la discussion et l'approfondissement des idées. Alors effectivement, on va essayer de présenter donc ce livre qui est un recueil. Ce recueil, en fait, il est inédit en français. C'est l'édition française d'articles parus en Angleterre dans une édition qui s'est appelée Act for Yourself en 1998, par deux éditeurs, dont l'un qui était un grand historien de l'anarchie qui s'appelait Einar Becker, et un autre qui s'appelait Nicolas Walter. Ils ont réuni des textes de Kropotkin dans un journal qui s'appelle, parce qu'il a eu une durée de vie très très longue en fait, et il a duré très longtemps, ça s'appelle Freedom. Voilà. Donc, je crois qu'on peut dire c'est le journal anarchiste qui a duré le plus longtemps. Ouais. Et actuellement, il est qu'en ligne, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, sur ces textes, enfin, la période d'écriture, c'est essentiellement entre 1886 et 1888, avec un dernier texte dans le recueil qui est une sorte de rétrospective de Kropotkin qu'il écrit en 1907, rétrospective sur l'histoire du mouvement ouvrier, où il revient avec une grande lucidité sur les espoirs que lui-même avait mis dans une révolution imminente. C'est quelque chose qu'on lit souvent et dès le début du recueil. Quoi. La révolution va arriver. C'est une affaire de temps, la crise est tellement aiguë qu'il ne peut se passer qu'une révolution. Donc il revient un petit peu sur les impasses, les difficultés. Et puis, ensuite, il dresse encore des perspectives pour le futur. Donc, on a une suite d'articles, et essentiellement, ils sont rédigés entre 1886 et 1888. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner trois axes, trois clés de lecture qui brosse un petit peu les thèmes généraux développés dans les articles. Et avant cela, vous expliquer brièvement la genèse, la construction en fait du recueil. Alors en 1886, pour repérer aussi dans le temps, Kropotkin a 44 ans, donc, hein, il est né en 1842, et il subit son deuxième exil en Angleterre. Il avait déjà dû s'exiler à la fin des années 1870 parce qu'il avait été enfermé dans une forteresse, la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg à cause de ses activités dans le mouvement populiste. Et là, c'est sur le sol français en 1883 qu'il est arrêté. Alors, il est soupçonné d'avoir participé à des attaques, il est soupçonné aussi de participer à un mouvement international anarchiste. Et donc, il est placé en prison, et il en sort en 1886. Alors c'est pas anodin parce que c'est la communauté internationale des savants, hein, notamment, qui appuie sa libération. Alors on a de très grands noms se manifeste en sa faveur. Le plus grand peut-être, c'est Victor Hugo, qui donne tout son poids et toute sa mesure pour que Kropotkin soit libéré. Donc il arrive en 1886, en Angleterre, et en fait, il est d'une certaine manière très affaibli physiquement, parce qu'il y a ses séjours en prison répétés, mais il est, de l'autre côté, il est presque à son zénith intellectuellement, donc il va être très très productif pendant cette période. Et il va se lancer très très vite dans la confection de ce journal, dont il n'est pas le fondateur. C'est une anarchiste qui s'appelle Charlotte Wilson qui va fonder vraiment le journal Freedom, mais lui, tout de suite, il participe, il va devenir un contributeur très très régulier. Alors je disais qu'il avait des activités multiples et des centres d'intérêt multiples de cette époque-là. Ce qu'on peut faire quand on découvre ce texte, si on connaît un petit peu Kropotkin, c'est lire ce qu'il va élaborer dans ce livre-là, en parallèle de ce qu'il élabore dans un livre plus connu, je pense, du grand public, du public anarchiste en tout cas, qui s'appelle La conquête du pain, qui est paru en 1892. Alors, il y a une similarité entre les deux ouvrages. Pourquoi ? Parce que dans La conquête du pain, en fait, il envisage comment on va organiser une ville, une commune, dans une situation post-révolutionnaire. Alors que là, dans Agissez par vous-même, il envisage la même chose, mais il l'envisage au niveau, à l'échelle d'une société, société britannique, donc, dans Agissez par vous-même, et la commune qui est la commune de Paris, pourrait-on dire, dans La conquête du pain. Mais du coup, il y a un parallèle entre les deux ouvrages. Voilà. Alors, c'est essentiellement ça, cet ouvrage, c'est comment est-ce qu'on organise, à l'échelle d'une société, une production, une consommation et une vie collective selon des principes qui sont très clairs dès le début, qui sont ceux du communisme anarchiste. Voilà, puisque c'est vraiment la position que défend Kropotkin. Alors, quand on lit aujourd'hui ces textes-là, je dirais qu'on peut à la fois apprendre trois choses ou apprendre des choses dans trois domaines, mais aussi on peut ouvrir des perspectives à partir de ces trois domaines également. Donc le premier, ce serait que la lecture de cet ouvrage nous rappelle, nous ramène vraiment vers les fondamentaux de l'anarchisme. Et donc ça peut être déjà une bonne piste de rappel aussi pour les lecteurs, qui soient d'ailleurs anarchistes ou non. Ce qui est frappant dans ce recueil, c'est que Kropotkin il parle vraiment de socialisme. Il utilise le mot socialisme. Pour lui, c'est assez clair. L'anarchisme, c'est du socialisme. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, socialisme? Si je devais résumer, je donnerais deux motifs fondamentaux. Le premier, on le trouve dans une phrase toute petite qui est en note, en fait, dans l'entraide. La société existait avant l'homme, c'est pas lui qui l'a créée. Voilà. Ça, c'est le fondement théorique du socialisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas prioritairement des individus qui entrent en relation contractuelle avec les autres pour créer une société. Le social, en fait, il nous devance d'abord par l'héritage que nous avons et que nous devons endosser, et ensuite par les relations et les interactions fondamentales qui nous permettent de développer le meilleur de nos capacités. Évidemment, c'est la différence avec le communisme. À l'époque, on appelle le communisme de caserne, c'est-à-dire la communauté ne va pas enfermer l'individu. En fait, l'individu va s'appuyer sur les ressources de la communauté pour fleurir, en fait, donner le meilleur de ce qu'il peut donner. Donc la société existait avant l'homme, il ne l'a pas créée. On retrouve vraiment ça, vous allez voir, quand Kropotkin aborde la question du travail dans ce livre, ou la question de la consommation, il faut garder ça en tête, c'est l'arrière-plan. Et j'en viens tout de suite donc à un point fondamental, c'est que lorsque vous avez une situation qui est post-révolutionnaire tout de suite, après une révolution sociale, où il faut réorganiser la société, une situation de crise, là il est très net aussi là-dessus, il dit la première mesure révolutionnaire adoptée, c'est de socialiser les besoins. Donc c'est du socialisme dans cet autre sens, on socialise les besoins, tout simplement parce que l'individu n'existe jamais à part des autres. D'accord. Il n'est jamais, en philosophie, un atome, un individu qui serait d'abord mu par son propre intérêt. Donc on va socialiser les besoins. Ça, c'est un point fondamental. Alors, comment on va faire? Je le réserve pour un peu plus tard. L'anarchisme, du coup, c'est du socialisme, en ce sens-là. Et pourquoi c'est spécifiquement anarchiste? Ça, on le retrouve dans nombre d'articles. Eh bien, parce que si la communauté doit s'organiser dans cette situation post-révolutionnaire, il y a une chose, évidemment, qu'il ne faut absolument pas faire. Alors, nous, ça peut nous paraître très simple, mais on voit que, finalement, l'actualité peut nous montrer que c'est redécouvert comme une trouvaille très originale. Mais il y a une chose à pas faire, c'est surtout pas déléguer le pouvoir à des représentants. Hein. Ce que vous en remettiez, soit ce qu'il appelle un César, c'est-à-dire le sauveur en temps de crise, ou alors un groupe de représentants, alors très vite, le socialisme sera tué dans l'œuf. Vous aurez une dictature, ou alors ce qu'il appelle le gouvernement parlementaire. Et dans le gouvernement parlementaire, ou plutôt le gouvernement parlementaire, pardon, et, je cite, et c'est très net, le gouvernement du capital. Voilà, c'est tout. Il le dit dans un article qui s'appelle « Le gouvernement parlementaire ». Alors, pour remettre tout ça en contexte, à l'époque, c'est vraiment l'orientation anarchiste qui tranche sur ce qu'on appelle l'orientation social-démocrate. Social-démocrate, les sociodémocrates à l'époque, ça, c'est pas trop ce qu'on appelle social-démocrate aujourd'hui. Hein. En fait, ce sont des marxistes. Et ils sont très puissants, notamment en Allemagne à l'époque, mais également en Angleterre. Alors on découvre, précisément dans le livre, toute la vie militante et politique de la social-démocratie anglaise de l'époque, avec son représentant le plus éminent, qui s'appelle Hindman, Charles Meyer Hindman. Alors, Kropotkin, évidemment, il est en lien avec ces gens-là, il les connaît. Il les estime aussi, relativement. Mais s'ils convergent sur un certain nombre de diagnostics, évidemment, ils vont diverger sur la manière de résoudre les problèmes. Et encore une fois, ils vont diverger fondamentalement sur le plan de la représentation politique et de la prise du pouvoir. Dans l'article final, 1907, dont je vous parlais au tout début, titre rétrospectif, Kropotkin dit que, rapporte cet échange qu'il a avec Hindman. Et il lui dit, oui, je pense beaucoup de bien de la fédération social-démocrate. Tout à fait, oui, c'est très bien ce que vous faites. Surtout si vous restez à un très grand nombre de kilomètres du Parlement. Ça, c'est très bien. Par contre, évidemment, j'ai comme l'impression que dès que vous allez vous en approcher, vous allez devenir aussi néfaste que l'est, par exemple, la social-démocratie en Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est un des points... J'insiste pas, ça c'est de l'anarchisme typique. Et ça se développe aussi quand même d'une autre façon, avec un argument plus philosophique cette fois-ci, que j'avais envie de mentionner aussi. C'est l'argument qui s'attaque à la thèse, qui est en général la thèse libérale, qui s'appuie sur la nature humaine en disant l'homme en lui-même, par nature, n'est pas suffisamment bon. C'est une créature d'abord mue par son intérêt, et un intérêt qui est contraire à celui des autres. Donc l'homme n'est pas suffisamment bon pour vivre sans un État, forcément, le contraigne. Et donc vous, les anarchistes, vous êtes nécessairement frappés d'angélisme, vous pensez les hommes bien meilleurs qu'ils ne le sont réellement. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, Kropotkin, je pense qu'il utilise, dans les... lecture que j'ai pu faire, je pense qu'il utilise, à mon avis, l'argument massu, quoi, un argument implacable. En fait, c'est ce qu'on appelle renverser la charge de la preuve. Alors, vous nous traitez d'utopiste, vous vous dites pragmatique, réaliste. En fait, évidemment, ça marche totalement à l'envers. Les utopistes, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous pensez que si vous donnez une place de pouvoir, une position de pouvoir permanente à quelqu'un, il va, parce qu'il est dans cette place-là, développer le meilleur de ses traits humains le meilleur de ses capacités. Évidemment, ça marche totalement à l'inverse. C'est parce qu'il est à cette place-là qu'il va avoir tendance à se sentir précisément irresponsable et non pas responsable. Je vous en lis, si vous voulez, un petit passage et après on parlera des deux grands points économiques dans le livre. Il dit « La seule différence finalement entre nous et mettons les libéraux, hein, ceux qui nous font des objections, c'est la suivante, la différence. Contrairement à eux, nous n'exagérons pas les instincts inférieurs des masses et nous ne fermons pas les yeux avec complaisance sur les mêmes bas instincts chez les classes aisées. Nous maintenons que et les gouvernants et les gouvernés sont pervertis par l'autorité et les exploiteurs et les exploités sont pervertis par l'exploitation. Tandis que nos opposants semblent admettre qu'il existe une sorte de sel de la terre, les gouvernants, les employeurs, les chefs, qui fort heureusement empêchent ces mauvais êtres humains, les gouvernés, les exploités, les subordonnés, de devenir encore pires qu'ils ne le sont. » Voilà, donc il me semble que c'est l'argument anarchiste parfait. Alors ceci étant posé, ben, on peut rentrer un petit peu dans les questions, qui sont des questions vraiment pratiques, on parle d'agir par soi-même. Alors, pratiquement, comment est-ce qu'on tourne une organisation sociale vers le communisme anarchiste et qu'est-ce que ça veut dire, communisme anarchiste, très exactement. Alors, la première idée à retenir, c'est que Kropotkin, il dit, si vous voulez organiser la société de cette manière-là, il vous faut penser l'économie, non plus du point de vue de la production, mais du point de vue de la consommation. Voilà. Alors, ça veut dire que ce qui doit être repris à la base, c'est la manière dont on détermine nos besoins collectivement. C'est la collectivité qui détermine ses besoins. Alors, ça paraît tout simple, mais en fait, pour l'époque, ça met complètement sens dessus-dessous les bases du marxisme, qui est le courant dominant. Le marxisme, moi, que j'appelle orthodoxe, c'est-à-dire qui est centré sur le développement, ce qu'on appelle les forces productives. Voilà. Alors, pourquoi ça inverse ça? Parce que forcément, il pose la question de la finalité. Qu'est-ce qu'on veut produire? Quels sont les besoins que nous devons satisfaire en priorité? Et là, il est très clair, aucune révolution ne peut fonctionner durablement si elle ne satisfait pas au départ et le plus vite possible les besoins que sont la nourriture, le vêtement et le toit. Avoir un toit sur la tête. C'est l'habitat, nourriture et vêtement. Et ça, les besoins premiers. Mais ensuite, il faut pouvoir s'entendre et délibérer collectivement à un échelon qui sera l'échelon municipal, en fait. Il y a un article sur le socialisme municipal, sur ce qu'on veut produire et les finalités. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut lire aussi en parallèle, ou on peut lire en parallèle cet ouvrage et La conquête du pain. On pourrait remonter aussi à un autre livre de Kropotkin qui s'appelle Champ, usine et atelier. Alors pourquoi? Parce que si on veut mettre en commun les besoins, il faut qu'on ait des intérêts à peu près communs. Et vous savez peut-être que Kropotkin, c'était un géographe. Il y a une réflexion géographique très intéressante sur la manière de décentraliser la production et sur la manière de mettre en place un équilibre entre les activités industrielles et l'agriculture. Et donc son idée, c'est forcément de travailler aussi à établir un cadre géographique et urbain qui permette évidemment cette délibération collective sur les besoins. Il y a un extrait qui est très intéressant là-dessus. Alors je répète encore, il est à distance du marxisme orthodoxe de l'époque, mais il est à distance aussi de l'idée qu'on s'est souvent faite de Kropotkin lui-même. Parce que bien souvent, alors c'est vrai en certains cas, hein, il y a quand même une tendance chez lui, on la retrouve dans les articles aussi, hein, faut pas le nier, à l'optimisme historique, hein, c'est-à-dire la technologie ou les techniques sont suffisantes pour qu'il y ait une abondance, et donc il suffirait de se réapproprier l'appareil de production pour vivre dans l'abondance. Cette idée, on ne peut pas dire qu'elle est absente chez Kropotkin, mais dans le détail, elle est quand même largement compensée par des réflexions telles que celles que je viens de vous faire. Et donc il y a un article où il le dit de manière limpide, et cet article, c'est pas un hasard, il s'appelle « La première tâche de la Révolution ». Alors, je vous lis le texte. Il dit « Notre production ne peut pas continuer sur la lancée actuelle. Le tout premier progrès en direction d'une société socialiste impliquera une réorganisation complète de l'industrie au regard de ce que nous avons à produire. Le socialisme n'implique pas seulement une réorganisation portant sur la division des profits. C'est en gros, il ne s'agit pas simplement de se répartir équitablement les fruits de la croissance, pour le dire avec un vocabulaire actuel. Son sens économique est beaucoup plus profond. Il implique également une transformation de l'industrie, de telle sorte qu'elle soit adaptée aux besoins du consommateur et non à ceux qui en profitent. De nombreuses branches de notre industrie actuelle doivent disparaître ou limiter leur production. Beaucoup de nouvelles doivent se développer. Eh bien, à l'époque et même aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est pas si courant de se dire, mais il y a des productions, il faut les arrêter. Pourquoi ? Alors, ça on pourra peut-être y revenir dans la discussion, parce que, alors, je vais utiliser un mot après on va en débattre, il y a ce chantage à l'emploi qui vient servir de contrepoids à toute idée, à toute réflexion sur la finalité de ce qu'on produit. Comment avez-vous le front de priver des gens de leur emploi sous prétexte que ce qu'ils font, par exemple, est nocif, y compris pour leur propre santé, par exemple. Voilà. Donc, là, Kropotkin, il touche un point central, et c'est pour ça que je pense qu'on peut être fondé à considérer que là, ce sont des idées qui sont qui sont à la base, on peut dire que c'est une manière de penser qui rappelle ce qui va être systématisé après sous le nom de décroissance. Alors que Kropotkin est en général tenu pour un optimiste historique et technologique bon teint. Et en réalité, il n'est pas loin du tout, de ce point de vue-là, de quelqu'un comme William Morris. Alors, sur la question du machinisme, après, il se séparait totalement, ou en grande partie. Kropotkin reproche dans ses mémoires à William Morris de ne pas avoir compris la beauté de la machine. Bon. Mais sur ce plan-là, il est plus proche de William Morris et surtout de quelqu'un qui, à mon avis, va radicaliser ses positions, qui s'appelle donc Gustav Landauer, début du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que Landauer, lui, qu'est-ce qu'il disait ? Il allait jusqu'à penser que les ouvriers, comme les patrons, étaient pris dans une sorte de gang carapace, comme ça, fétichiste, c'est-à-dire qu'ils voulaient une sorte de culte à l'économique. Ils étaient incapables de se penser autrement qu'en tant qu'agent économique. Voilà. Et donc, lui, ce à quoi il aspirait, Landauer, c'est la sortie même de l'économie comme représentation même, représentation centrale de ce que doit être une vie qui serait centrée que sur les rapports économiques. Donc là, Kropotkin, il va assez loin, et il nous pose une question qui est très très difficile, une question là proprement philosophique pour le coup. C'est comment définir évidemment un besoin. Alors là, je vais passer peut-être 5 minutes là-dessus, après si vous voulez, on y reviendra. Alors en gros, la question évidemment philosophiquement, c'est comment définir un besoin ? Y a-t-il une strate naturelle intangible des besoins ? Où est-ce qu'on les situe ? Alors on peut se dire effectivement que les besoins dont il parle, la nourriture, le toit, le vêtement, c'est la strate fondamentale. Mais ensuite, il l'ignore pas, il y a des besoins dont on dira qu'ils sont secondaires, les besoins, on va dire, culturels et sociaux, mais en fait, ils sont essentiels aussi. Il faut assurer ces deux besoins-là. Alors, par contre, avec sa proposition de penser l'économie depuis la consommation, il y a des besoins dont on peut très certainement effectuer la critique, c'est les besoins planifiés et imputés par les professionnels. Parce que dans les années 60-70, et même après, et plutôt surtout dans les années 80, un penseur qui s'appelle Ivan Illich va très bien mettre en évidence l'idée qu'en fait, la notion de besoin, c'est une notion qui est inventée par les professionnels et professions bureaucratiques au service du capitalisme pour créer un homme qui ne se définirait lui-même, qui ne se représenterait lui-même que comme une somme de besoins. Par exemple, pour prendre un cas tout à fait anecdotique qui va paraître un peu bébête, mais je l'ai vu marqué comme ça, hein, écrit comme ça, les promoteurs actuels de la trottinette électrique défendre la prolifération de ces objets roulants non identifiés au prétexte que les gens ont quoi ? Un besoin de mobilité. Donc, imputation des besoins au service d'une pollution urbaine, enfin, une destruction du tissu urbain, etc. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, Ivan Illich, ce qu'il disait, on devient, en fait, le besoin est un produit, on devient les produits de nos produits. Alors, Kropotkin, il va pas jusque-là. Pourtant, il ouvre quelque chose, il ouvre une voie, quand même, vers ces pensées-là, et je pense que c'est important dans ce livre. De la même manière, il y a quelque chose qui est important aussi. Comment est-ce qu'on redéfinit un besoin? Ben, tournons-nous aussi vers des communautés qui ne sont pas des communautés, on va dire, modernes, qui peuvent être des communautés traditionnelles, voire des communautés médiévales, et voyons comment ils envisageaient la production et la consommation au niveau collectif. Il y a quelques passages dans le livre où Kropotkin rappelle comment fonctionnent les communes paysannes, comment fonctionne, par exemple, ce qu'on appelle en Russie l'obchina, et il montre très bien qu'en fait, toutes ces communautés visent un équilibre, en réalité, entre le travail pénible, la pénibilité du travail, et le maintien d'une vie sociale harmonieuse avec du temps qui serait consacré précisément à autre chose que de l'économie, la vie politique, spirituelle, etc. Alors ça, c'est un petit peu ce que l'économiste russe, là, dont on parle au début, Tchaïanov, il fait un petit bouquin là-dessus, lui, il avait montré ça juste avec des études économiques dans les années 20. Il avait vu comment fonctionnait sur la majeure partie du territoire russe l'agriculture paysanne et les exploitations paysannes. Il avait montré qu'en fait, c'était un modèle tourné plutôt vers la subsistance avec la recherche perpétuelle d'un équilibre entre le travail et la satisfaction de la vie sociale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée de travailler pour travailler, quoi, ou pour augmenter le rendement indéfiniment. Ce qui peut expliquer qu'il s'est fait laminer par les staliniens. Évidemment, ça ne cadrait pas trop avec ce qu'on appelait à l'époque la collectivisation. Donc, Kropotkin, je répète, c'est pas encore ça, mais ça ouvre une voie vers ces questions-là. Et ensuite, une fois qu'on a pensé l'économie depuis la consommation, on en arrive à la grosse question, qui est la question du travail. Et donc, c'est le troisième axe dont je voulais parler aujourd'hui, puisque c'est un axe qui me semble fondamental déjà pour nous, évidemment, sur la question sur le travail, et au sein de l'anarchisme. Alors pourquoi? Parce que il y a quelques ouvrages qui sont plus récents, mais moi je sens toujours un petit pamphlet d'un Américain qui s'appelle Bob Black, « Travailler, moi jamais ». C'est intéressant de voir ce qu'un auteur du 19e siècle pense du travail. Alors, dans la communauté Kropotkin, évidemment, tout le monde travaille. On ne peut pas y échapper. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, travailler? Alors, pour Kropotkin, tout le monde travaille au sein d'une organisation communiste, et non pas collectiviste. Alors là, je vais faire une petite précision de 2 minutes sur l'opposition des termes, parce que c'est une question de vocabulaire importante. Là, il défend le communisme, et il s'attaque à un modèle de pensée du travail, de répartition, de la rétribution du travail, qui est le modèle collectiviste. Sauf que là, on est dans les années 1880 et suite. Mais si on se place avant 1872, les deux termes, ils avaient un sens inverse. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Bakounine, dans les années 1868, par exemple, il pouvait dire « moi, je suis collectiviste ». C'est-à-dire « je veux la propriété collective organisée de bas en haut, sans l'État ». Voilà. Et je hais le communisme. Pourquoi ? Parce que le communisme, c'est la caserne, c'est l'abolition de l'individu. Et dans l'histoire des idées, curieusement, le sens des termes change. Après 1872, et les communistes, on va être un communiste, ça va vouloir dire, en gros, hein, penser la rétribution du travail selon les besoins. Donc la formule, ça va être de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Là où les collectivistes, ou ceux qu'on appellera les collectivistes, eux, ils vont penser à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire selon sa contribution sociale. Alors en fait, ça change tout, parce que si vous pensez en termes de contribution sociale, vous individualisez la perspective. D'accord ? Mais rappelez-vous ce qu'on a dit au début sur le socialisme, quelqu'un comme Kropotkin, il ne pense pas qu'il y a des individus qui font société, il pense qu'il y a des individus qui sont magnifiés ou qui sont rehaussés dans leur capacité par une société qui est déjà là et qui fonctionne et dont on ne peut pas s'extraire. Voilà. En fait, on est libre, c'est la fameuse phrase de Bakounine, quoi. La liberté d'autrui augmente ma liberté. Hein. Elle n'est pas une limite à ma liberté, sinon on serait dans le modèle libéral, quoi. Alors, si on se place de ce point de vue-là, eh ben, Kropotkin, il critique sur la question du travail les collectivistes. Alors, bon, si l'ouvrage vous intéresse, vous verrez qu'il y a une référence qui est totalement tombée dans l'oubli depuis, quelqu'un qui s'appelle Lawrence Grönlund. Bon. Alors, c'est un Danois qui est immigré aux États-Unis à l'époque, et lui, c'est une sorte de disciple de Marx, et il introduit des thèmes de Proudhon dans son modèle. En gros, qu'est-ce qu'il présente ? On présente la nécessité d'une propriété collective des moyens de production, avec un contrôle étatique. Et en gros, si vous voulez, il y a un magasin d'État. Et ensuite, chaque producteur se sert dans le magasin, produit contre produit, donc ça c'est le sens proudhonien, en fonction de sa contribution. D'accord ? Donc le travail est rétribué selon l'œuvre. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui presque de l'évaluation individualisée du travail. Voilà. Le problème, c'est que s'il y a évaluation individualisée, ben, il faut un critère d'évaluation. Et donc, quel va être ce critère ? Eh bien, c'est très clair. Chez ce fameux Grönlund, là, on va l'indexer, par exemple, sur le nombre d'années d'études qui ont été consenties, ou alors sur la nature du travail produit, c'est-à-dire, par exemple, travail qualifié, travail non qualifié, qui tend à recouper la distinction, qui est une distinction fausse, en fait, évidemment, entre manuel et intellectuel. Travail manuel, travail intellectuel. Donc logiquement, par exemple, le travail du médecin serait largement plus rétribué que celui de l'infirmier ou de l'aide-soignante. Ou de la même manière, dans un hôpital, c'est pas au chirurgien d'aller changer les draps des patients, quoi. D'accord. Parce que perte de temps, parce que, en fait, s'il échange ses draps et qu'il n'est pas rétribué plus que le personnel aide-soignant, ben alors, pourquoi chercher à être chirurgien ? Vous voyez, le genre de raisonnement. Alors le problème pour Kropotkin, c'est que si on commence à réfléchir comme ça, qu'est-ce qui va être réintroduit ? Alors qu'on voulait on l'avait chassé, ça se réintroduit par la fenêtre, c'est quoi ? C'est la hiérarchie de classe et des statuts. Et en fait, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de prescience. Alors, parfois les anarchistes, c'est ça qui est très impressionnant, il y a une prescience de ce qui peut se passer. Bakounine, il avait eu la prescience, par exemple, ce qui peut se passer aujourd'hui avec l'écologie, avec le verdissement de l'économie, en fait, plutôt, c'est le gouvernement des savants, quoi, le gouvernement des experts. Ben là, Kropotkin, il a une prescience de la dérive hiérarchique et autoritaire de ce qui va se passer avec le stalinisme, du marxisme stalinien, où en fait, c'est une classe de coordinateurs, les intellectuels, qui vont tenir le fouet, qui vont organiser la société au détriment du prolétariat. Donc, maintenant, comment fait-on, du coup ? Si on ne rétribue plus en fonction des sacrifices consentis, des distinctions d'intelligence, comment est-ce qu'on fait ? Alors, Kropotkin, c'est là qu'il s'appuie sur un argument philosophique qui est, moi, que je trouve puissant. En fait, il dit que, et c'est ça le communisme, vraiment pour lui, il dit qu'on ne peut pas se séparer de la totalité sociale dans laquelle nous naissons, et c'est comme si nous naissions chargés de dettes. En réalité, non seulement vis-à-vis de ceux qui nous entourent, mais même vis-à-vis des morts. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez commun en réalité à l'époque. En fait, ça vient d'un philosophe français, fondateur du positivisme, ce qui est Auguste Comte, et de la sociologie. Voilà. C'est l'idée que ce qu'il appelle le grand être est toujours présent, et nous sommes en dette toujours par rapport à ce grand être. Et la seule manière, en fait, de payer cette dette, qui est une dette incommensurable, donc on n'y arrivera jamais totalement le temps d'une vie, mais la seule manière de le faire, c'est de pratiquer l'entraide. Ce que vous avez reçu en amont, vous essayez de le redonner par la pratique de l'entraide. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Kropotkin pense que, très clairement, le travail, la contribution sociale, vous ne pouvez pas la quantifier. Donc il y a deux discours qui sont reproduits, en fait, sous forme de texte. Sur le communisme et le salariat, il le dit clairement, c'est pas possible de quantifier le travail quand on l'inclut dans une communauté. je vous donne un aperçu de ceci. Quels services sont les plus grands? Ceux du docteur au chevet d'un patient atteint de la typhoïde ou ceux de l'infirmière? Ceux de Edison ou de l'individu qui a découvert dans son laboratoire le meilleur matériau pour fabriquer le cylindre du phonographe? Ceux du conducteur de train ou de l'aiguilleur? Comment on fait pour déterminer le travail qui doit être rétribué plus que les autres? Ben, c'est très difficile, c'est même presque impossible. Analyser chaque travail effet de société, aussi minime soit-il, et comparez-le aux milliers d'autres travaux accomplis, et tenter de découvrir la mesure, la valeur respective de chaque travail, je vous mets au défi de la trouver. Bon. Et finalement, ce qu'il propose, lui, alors qui a été très largement décrié, notamment il y a Malatesta qui lui est tombé dessus post-mortem, donc il y a un texte de dommage à Kropotkin en fait où il montre que la solution de Kropotkin, qui est en fait ce qu'il appelle la prisota, ne fonctionne pas du tout. C'est une rêverie totalement délirante. À partir de quelques petits résultats obtenus sur des parcelles, par exemple en agriculture, on va généraliser ça et ce sera l'abondance pour tous. En fait, si on regarde bien, c'est quoi la prisota? Il s'en explique quand même assez nettement. La prisota, elle suppose une expropriation, d'accord? D'abord, il faut mettre à disposition de la communauté de quoi satisfaire ses besoins préalablement et collectivement, sur lesquels on a collectivement délibéré. Bon. Donc, ça présuppose une expropriation. Sauf qu'évidemment, et c'est ça qu'on retient pas assez, parfois, on n'exproprie pas tout, ni tout le monde. Et il montre très bien qu'il y a des types de propriétés qui sont des propriétés, types de propriétés traditionnelles, parce que séculaires, qui visent la subsistance, celles-là, on ne va pas les exproprier. De la même manière, quelqu'un qui cultive son petit lopin qu'un potager, on ne va pas l'exproprier. Donc la question devient, en fait, c'est quoi une propriété qui peut être expropriée? C'est typiquement la propriété, au sens où les libéraux la définissent, c'est la propriété où je fais travailler d'autres que moi, et où c'est totalement légitime, pour le libéral. Si on revenait vers les grands textes libéraux. Il y a un texte du philosophe anglais John Locke, au XVIIe siècle, où il dit ça très très bien. Il dit par exemple, regardez, supposez que ça ce soit à personne, j'arrive, je prends le verre qui est là, hop, tac, je l'ai changé, je l'ai bougé de sa place. Le mouvement et l'énergie dépensée, c'est du travail. Donc il est à moi. Le travail fait la propriété. Okay. Et dans un extrait d'un texte qui s'appelle Le Second Traité du gouvernement civil, Locke, il dit ça. C'était critique ou il... C'est ce qui va fonder la propriété libérale. Il justifie ça. Alors là, encore, ça va, seulement dans le fil du texte, il y a, le bois que j'ai changé de place, il est à moi, etc. Mais aussi, la tourbe ou la terre qui a coupé mon serviteur, elle est à moi. C'est-à-dire l'échelon entre la tourbe coupée et moi, c'est-à-dire le serviteur, il est complètement mis de côté. Voilà. Donc c'est ça, en fait, le véritable problème de la propriété, ça c'est le problème libéral. Et Kropotkin, quand il veut exproprier ou proposer la prisota, c'est cette propriété-là qui prend en objet critique. Donc voilà à peu près le troisième point, le troisième axe, qui soulève, vous en rendez compte, je pense, une multitude de problèmes. Il est temps de conclure. Et pour conclure, moi j'avais envie, alors c'est souvent une habitude, j'espère que là elle se justifie, j'avais envie de me demander qu'est-ce que ce livre, est-ce que c'est un livre de fond, sans fond historique, ou est-ce que ce serait un texte à distribuer sur tous les ronds-points de France? Alors, pourquoi? Parce que quand on l'a fait avec l'éditeur donc David Doyle, on s'est dit effectivement que ce serait un livre de fond parce que c'est des textes inédits de Kropotkin, donc c'est une grande figure centrale de l'anarchisme. C'est un livre qui sera là et qui complète les œuvres produites en français de Kropotkin. Voilà. Seulement, et là on va partir au premier point de l'intervention sur les fondamentaux de l'anarchisme, parfois, quand on lit ce qu'il évoque sur la crise, la situation de crise, sur la nécessité de ne pas choisir de représentants, d'éviter les pièges du pouvoir, on a l'impression de lire un communiqué des Gilets jaunes. Quoi. Franchement, c'est très souvent l'impression qui se dégage. Alors, cette actualisation-là, elle peut être envisagée de deux façons. Quoi. Première façon, complètement pessimiste. Si, en 2019, quand on lit ça, on a l'impression qu'il avait déjà décrit ce que vivraient les Gilets jaunes, ben ça veut dire qu'on est très loin du compte. Bon. Ça, c'est le pessimisme absolu. Et l'autre aspect, plus optimiste, c'est l'idée qu'il y aurait une reprise spontanée, qui est complètement inattendue, même surprenante, par des gens qui... et c'est ça qui moi, m'intéresse, et qui fait descendre de son piédestal le prétendu intellectuel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de lire Kropotkine pour faire du Kropotkine. Mmh. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire, par contre, que l'anarchisme, il a un rôle à jouer dans ce mouvement-là, voilà, pour l'orienter dans un sens... qui nous convient et qui est plus émancipateur pour le plus grand nombre de gens. Voilà. Et une dernière chose, c'est que le lien qui commence à s'établir à certains endroits entre fin du mois et fin du monde, ça donne à penser une alliance entre justement la question sociale pure et puis la question, on va dire, écologique et culturelle, qui est comment est-ce qu'on habite la Terre, avec quels besoins, avec quel système de production et de reproduction matérielle de l'existence. Et comment on réévalue le travail aussi, en plus à l'heure actuelle, face à sa numérisation et sa machinisation. Donc, il me semble que Kropotkine, lui, avec tous les thèmes qu'il aborde dans ce recueil, qui sont comme le travail, les besoins, la réorganisation de l'industrie, il nous interroge aussi sur le genre de vie qu'on peut mener, qu'on veut mener. Et du coup, il y a une filiation qui se dégage et qui retrouve les Gilets jaunes. Et c'est pas un hasard non plus, je finirai par là. Si quelqu'un comme Bookchin sort un peu, Murray Bookchin, sort un peu de l'oubli ou d'une relative méconnaissance aujourd'hui, si on s'y intéresse de plus en plus. Parce qu'en fait, quand on lit aussi avec un regard d'histoire des idées, on voit très bien que Bookchin, il a puisé là-dedans, c'était une référence incontournable pour lui. Voilà. Donc l'histoire continue. La parole est à vous. Plein de questions qui ont été soulevées. Bon, sinon, le livre, je vous engage, c'est pas pour faire de la vente, mais... Pour un livre où c'est quand même des textes théoriques, souvent c'est triste, mais celui-là il est très illustré. Et franchement, il a une belle couverture. Donc tu as cité William Morris, je crois que c'est un rapport. William Morris, il est décorateur, illustrateur. C'est ça, c'est l'illustration de tapis. Voilà, des tapis, voilà. Et c'est quelqu'un qui était proche des. Enfin, socialiste, mais assez avancé. Voilà. Ah oui, le commis se connaissait avec Kropotkine, vraiment. Donc c'est quand même un joli livre, écrit gros, agréable à lire, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kropotkine, après il y en a des tonnes de Kropotkine qui les a cités, mais celui-là je pense que c'est peut-être un bon aperçu de ses idées. Ouais, ouais. Bon, sachant que là il n'y a pas tout Kropotkine, on est en quelle année, t'avais dit 1886. Bon, après Kropotkine, malheureusement, il y a 1914. 17. Non, je sais pas, c'est la déclaration qu'il a fait. Ouais. Donc c'est après, tout le monde est complexe, il y a des périodes. Ce qui est intéressant de ce bouquin, c'est que quand je l'ai pris, je me suis dit, bon, je vais avoir une série d'articles de journaux qui va lâcher, qui va être la même chose, enfin, une nouvelle. Non, en réalité, c'est vraiment. Ça fait un truc tout à fait construit. Je veux dire, il n'y a jamais une répétition. Quand on passe au chapitre suivant, on s'appuie sur ce qui a été dit avant pour rebondir sur quelque chose qui est après. Et en plus, toutes tes notes de bas de page, ça rend les choses très claires. Mm. Mais c'est vrai que par rapport aux articles de journaux, et qu'à voir les journaux relis, n'importe lesquels, bon, où les choses se réfèrent à tout le monde, là, non, au contraire, il y a une vraie progression. C'est un livre construit en réalité. Ouais. C'est toute une pensée qui évolue sur 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus la durée. Oui, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ça évolue sûrement au fil des articles de journaux, j'imagine. Mm-hmm. Et à propos de ça, c'est toi qui l'as traduit c'est de l'anglais, j'imagine. Oui, ça, c'est l'anglais, oui, c'est moi qui l'ai traduit. Ah, et Kropotkine, il a écrit en anglais ou en russe? Il écrivait très peu en russe, il était très francophile. Il écrivait en anglais et en français. Voilà. Et l'anglais qui était toujours après repris, notamment par cette dame Charlotte Wilson, Donc c'était ces deux langues. Après, bon, il y a des écrits en russe aussi, mais qui n'ont évidemment rien à voir, puisque là, c'est directement en anglais. Quoi. Juste la prise au table, il y a ce mot, c'est quoi je... Ah, tu connais pas ça? Non, je sais. Oui, c'est l'idée qu'en fait, c'est assez explicite comme image. Comme image quoi. C'est juste que le critère, c'est être le besoin. Non, c'est l'idée que c'est le besoin qui va déterminer la consommation, la satisfaction du besoin qui va déterminer la quantité prélevée. Mais évidemment, ce n'est pas possible s'il n'y a pas une délibération collective. Parce qu'évidemment, on peut. Alors, je pense que c'est difficile à mettre en place, hors d'une culture qui aurait été totalement refondée de vie et de type de comportement et de conduite, qui aurait été, et même de conception de l'être humain qui aurait été totalement refondée. Quoi. Il ne faut plus qu'il y ait volonté d'accumuler des biens. Quoi. Exactement. Tu prends. Enfin, l'image, c'est tu produis des céréales ou du pain, tu as un tas de pain, tu vas prendre que le pain que tu as besoin, tu n'en prends pas 15. Et puis après, le taille baisse si tous les gens sont servis. Ou alors, si ce sont des besoins, par exemple, artistiques, qu'est-ce que je vais prélever que je serai en mesure de rendre. Ah. Mm-hmm. Mettons, je prends un exemple comme ça. Si, par exemple, je joue d'un instrument de musique, mais j'ai un niveau correct, mais je ne suis pas capable de jouer un concert qui va satisfaire, on va dire, les besoins artistiques de la communauté collective, ben je ne peux pas prélever plus que quelqu'un qui saurait très bien jouer, je ne peux pas prélever plus pour mon simple agrément. Quoi. Voilà. Donc ça implique, que ça c'est vraiment, à mon avis, c'est un des fondamentaux de l'anarchisme, ça implique une autodiscipline. Quoi. Mm-hmm. Au niveau terminologique, ça vient de. Au niveau terminologique, c'est il y a un auteur en particulier qui l'a. Parce que je sais pas, c'est quand même pas. C'est complètement qu'il a trouvé ça un peu ça quand même dans la littérature anarchiste, monsieur. Ouais, on ne comprend pas. C'est vrai que presque c'est. Alors il y a lui qui en parle, il y a aussi Carlo Cafiero, qui est l'auteur d'un. Alors justement, il s'appuie sur lui, c'est un très beau texte, c'est Anarchie et communisme. Là, c'est vraiment aussi un très bel exposé du communisme anarchiste. Carlo Cafiero, c'est celui aussi qui a fait le Tiré Capital de Karl Marx. Donc ces deux auteurs en parlent. Et ensuite, je pense que c'est aussi lié à des expérimentations concrètes à l'époque. Mais aussi, moi, je voulais revenir sur le parallèle que tu fais avec aujourd'hui. C'est que là, en fait, si tu décris Kropotkin, c'est suite à un processus révolutionnaire et insurrectionnel. Et du coup, pour moi, c'est ce bout-là qui manque. Ah oui. C'est-à-dire que si on parle maintenant de redistribution, à un moment, tu fais le parallèle avec les croissances, et pour moi, c'est dans l'état actuel des choses, et du coup, ça n'a aucun sens. Enfin, si tu commences à évoquer, alors après, on peut discuter de ce qu'on entend par société, c'est encore un autre bout, mais si on commence à parler maintenant de l'organisation future, alors qu'en fait, il n'y a pas eu expropriation, et on n'en est pas là. Même s'il y a des expropriations au cours de certaines émeutes, on n'est pas dans un processus d'expropriation généralisé. Et du coup, quand tu dis vers où orienter, vers la question de l'émancipation, que pour moi, il y a cette question-là, c'est la question qui se pose maintenant aussi de comment tu dépasses la vision du carcan de l'État et comment tu décides, déjà tu envisages de reprendre ta vie. Et que moi, j'ai l'impression que, par exemple, une intervention anarchiste, elle peut être sur ces questions, plutôt que déjà de dire « Ah, comment on s'organisera demain, etc. » Ce qui n'est pas forcément délié. Mais après, il y a encore d'autres bouts. Mais ça me faisait un peu ces questionnements-là, comment c'est relié en fait, à un processus. Kropotkin a écrit abondamment aussi sur la question insurrectionnelle et révolutionnaire. Alors, effectivement, lui, il a cette idée-là. Après, à un moment, j'ai évoqué Landauer, parce que lui, précisément, il a une vision de la révolution qui n'est pas du tout la même, ce qu'il appelle une communauté, lui, par la séparation, en fait, par le retrait. Ce qui est, en gros, essayer de trouver les moyens de s'organiser, de défaire, point par point, palier par palier, l'étouffement économique, hein, et parvenir comme ça à prêcher d'exemple en quelque sorte par des communautés qui seraient organisées en marge. Alors, on peut aller vers ça aujourd'hui. Je vais prendre juste encore un exemple. Je crois qu'à Commercy, là, ils sont en train de faire leur propre, non, de mettre sur pied leur propre assemblée. Alors, pour reprendre ce que tu viens de dire, ils sont 3000. C'est un village de 3000 personnes. Et les pouvoirs publics sont attentistes. Ils viennent voir, mais ne font rien pour empêcher ça, quoi. Évidemment, la question, c'est... donc là, on a l'impression qu'ils sont dans un processus où ces idées-là commencent à être mises en place, quand même. Puisqu'il y a des idées de délibérer sur les besoins, etc. Après, comment on fait, effectivement, si on est dans une grande ville, comment on sectorise quartier, éventuellement par quartier, comment on fait contre la répression, quoi. Ça, la question reste entière. La propriété, elle est toujours pas touchée, quoi. Oui, mais comme j'ai dit, il y a différents types de propriétés. Oui, mais je veux dire, actuellement, là, la propriété, même dans la propriété de ce que tu décris, oui. La propriété dégueulasse, là, et bien... Bah, ouais. Celle-là, oui, d'accord. Oui. Même celle-là n'est pas touchée, quoi. Il n'y a pas... Ouais. Enfin, ça me pose des questions sur justement... la question d'un projet de société, c'est un débat dans l'anarchisme aussi. Est-ce qu'on met en avant un projet de société ou est-ce qu'aussi, parallèlement, ou sans parler de projet de société, on met en avant le processus qui déjà permet d'ouvrir en fait ces questions-là. Oui, oui, bah, c'est la question centrale qui revient toujours. Oui. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un marxiste convaincu, et même de la pire race, je suis un trotskiste, un lambertiste. Ah, il en faut, hein. Mais moi, je parle ici maintenant un peu. Je n'ai pas trouvé dans ton vocabulaire le mot lutte de classe, le mot force de travail, loi de la valeur. Je me réfère à l'exemple suivant, à la libération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi? Non, vas-y. Non, mais ça, je suis un peu timide ici, tu comprends. Je prends l'exemple. La lettre à la libération, lorsque le patronat français s'est effondré vu qu'il était devenu une annexe du patronat et du capitalisme nazi allemand, et donc un sous-produit qui était organisé par le pétainisme, à la libération, il s'effondre. Et les comités de libération exproprient le capital. Et il y a eu, dans ce processus qui mérite discussion, approfondissement, le résultat de cet immense soulèvement qui avait une valeur de révolution pour moi inachevée, il y a eu naissance de la sécurité sociale par cotisation, naissance des retraites par cotisation, et aujourd'hui, Macron et sa bande, qui sont les porte-parole du capitalisme et des grandes banques, sont en train de détruire la sécurité sociale et les retraites. Et le patronat lui-même, qui a changé de nom, c'est plus le CNPF, parce que dedans il y a le mot patronat. Donc s'il y a le mot patronat, c'est qu'il y a le mot ouvrier, donc qu'il y a la lutte des classes. Il s'appelle le MEDEF aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement au centre de la société, qui doit éduquer la société. Tout doit se relier au MEDEF, et non pas au patronat, bien entendu. Et aujourd'hui, le précédent président du patronat a déclaré qu'il fallait en finir avec la sécurité sociale et les retraites, parce que c'était du bolchevisme de 1945. Il faut en finir avec 1945. C'était dit comme tel. C'est le patronat. Par conséquent, moi qui suis pour maintenir les retraites et la sécurité sociale, c'est une cotisation dans laquelle chacun cotise selon ses moyens, mais il y a égalité totale des soins. Quelqu'un qui est malade, qui mérite des millions de dépenses parce qu'il a un cancer, mais qui gagne le SMIC, a les mêmes droits que celui qui a les moyens. Par conséquent, comment tu peux éliminer la notion de lutte des classes, la notion de profit capitaliste, et tu as prononcé une formule comme ça en passant, qu'un trotskiste ne peut qu'entendre, tu as dit le marxisme stalinien. Est-ce que tu as lu La Révolution trahie de Trotsky? Est-ce que tu l'as lu? Petit bouquin, en dehors de tout ce que Kropotkin a écrit. Que celui-là, je dis bien que celui-là, La Révolution trahie, où il dégage de l'intérieur même d'une société qui a exproprié le capital, mais qui est dans un état de délabrement complet, d'arriération, et où il faut tout construire, et où tout, les marxistes, Lénine est le premier, pensaient que la révolution ne pourrait pas durer si elle ne se développait pas en Allemagne, qui était le pays le plus développé, pour que les moyens de production, la vie, le niveau de vie puissent se développer et permettre le développement intellectuel de la société, se produisait. Et il s'est effectivement recroquevillé. Les bolcheviques ont maintenu leur pouvoir sur une petite, dans un immense pays, avec des moyens complètement isolés, et ça a donné le stalinisme. Et le stalinisme, c'est l'anti-marxisme. Le marxisme, c'est prolétaire de tous les pays, unissez-vous, alors que Staline a déclaré, maintenant prolétaire de tous les pays, protégez l'Union soviétique, mais ne faites surtout pas la révolution dans vos pays. Vous devenez des gens qui protégeaient les frontières pour que le capitalisme ne se précipite. L'Union soviétique va devenir le socialisme, et ce sera tellement beau qu'il n'y aura même plus besoin de faire la révolution, les pays deviendront socialistes par comparaison. Bon, c'est l'inverse. Il s'est produit sous vos yeux, sous les miens, sous les tiens, effondrement de l'Union soviétique par l'intérieur. Par l'effondrement intérieur. Par conséquent, moi je ne vois pas les discussions que tu mènes, parce qu'il y a un mot que tu ne mets pas dans la totalité, je fermerai mon statut, le mot productivité t'échappe. Or, l'évolution de la société humaine depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est la science de l'évolution de la productivité du travail. Et la productivité du point de vue du capitalisme et la productivité du point de vue du socialisme, c'est strictement l'inverse. Pour le capitalisme, c'est de faire du profit. Pour le socialisme, la productivité qui se développe, ce serait l'émancipation du travail, de toutes les corvées, de la dictature du travail. À partir de là, tu ne prononces pas le mot productivité. Je ne comprends pas. Tu as retenu tous les mots que tu n'as pas prononcés. Oui, je sais. Faut que tu réécrives, je crois. Hein. Ouais, mais c'est pas mal ça. Vas-y. Il s'est cul aujourd'hui. Pardon, allez, on va laisser Renaud répondre. Non, mais, peu. Ouais. Mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot technologie, en fait. Voilà. Alors pourquoi? Parce que du point de vue du ce qu'on appelle le déterminisme technique, capitalisme et marxisme orthodoxe, je répète, je maintiens, sont exactement la même chose. En fait, ce sont les deux phases du même processus de, en fait, prométhéen, hein, comme le Marx le plus populaire du monde, c'est-à-dire effectivement le maintien d'une productivité qui va assurer la mainmise de l'être humain sur la nature, à ceci près que dans un cas, le résultat de cette productivité va être géré collectivement, et dans un autre cas, il va être accaparé par une classe contre une autre classe. Alors, Kropotkin ne fait pas l'impasse sur la lutte de classe, seulement, il l'invite à prendre en compte la question fondamentale, qui est la question de la technologie, de la technique, puisque dans le marxisme, la technologie est neutre. Staline, pour Lénine, c'est quoi la technologie? Enfin, c'est quoi le socialisme? C'est les soviets, plus quoi? Plus l'électricité. Voilà. Ça dit exactement ça. Donc tant qu'on ne pose pas, en fait, la question de la technologie, tant qu'on ne pose pas, en fait, le vrai problème qui est la société industrielle, on ne pose pas le problème fondamental qui explique la situation dans laquelle on est. Et on peut prendre Staline très bien, on peut prendre Trotsky. Trotsky, c'est quoi ? C'est on met à fond le curseur sur la technologie, on y va le plus possible. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanisme. Il suffit de lire Bogdanov à l'époque, des gens comme ça. Ils sont complètement illuminés par le progrès technologique. Ils veulent aller le plus possible vers, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'humain augmenté. L'humain augmenté, qui le défend aujourd'hui ? C'est les gens de Google. Et en fait, ils ont exactement la même optique. Donc Kropotkin, lui, comme il réfléchit sur la technologie à petite échelle, d'une autre manière, là, il est... Et comme il réévalue aussi le rôle de la paysannerie, ça, c'est un mot que je n'ai pas entendu non plus, technologie et paysannerie, il est forcément dans une autre vision, qui est ce que j'appelle, moi, hétérodoxe. Mais après, on se croise, en fait. On ne peut pas se comprendre, mais c'est pas grave. J'essaye de répondre. Non, juste une petite remarque à mon avis. Hein. Ouais. Quand Lénine dit la formule, ouais. Le socialisme, plus Les soviets plus l'électricité. Mmh. Il parle d'une situation donnée, qui était la Russie tsariste, qui était un pays sous-développé, composé, comme disait Gorky, de 75% de paysans analphabètes. Et c'est de ça qu'il voulait dire. C'est vraiment de la mauvaise foi de dire qu'il était productiviste en prenant cet argument. Je veux dire que moi, je suis un peu déçue. Moi, je suis venue, moi, j'ai une formation marxiste hein, par ma culture, ma famille et tout. J'ai l'origine russe aussi. C'est pour ça que j'ai demandé si Kropotkin avait écrit des textes en russe. Et moi, je suis venue parce que pour moi, il y a deux... Kropotkin et les anarchistes, c'est la famille, c'est des alliés du marxisme. Alors, j'en ai marre de ce sectarisme. Et je voudrais dire, par exemple, qu'on regarde et qu'on fasse des réflexions plus ou moins pas très gentilles vis-à-vis du monsieur. Là. Est-ce que vous avez dit que c'est aussi un marxiste qui a signé ? Disons qu'il y a un passif historique quand même. Hein. Même si anarchistes et fascistes du coup ont été effectivement éliminés par les Staliniens dans la guerre de Chine. Je non plus n'est pas responsable. Ah, mais chez jeunes. Bon, non, mais faut... passé, bon, passé. Il est trotskiste lambertiste. Attends, pourquoi, hein? De quel marxisme on parle? Marx dans le texte, est-ce que... Il y a l'aspect historique du marxisme, mais bon, on peut extrapoler. Pas plus fort, si tu veux. Est-ce que Kropotkin cite Marx, la plus-value, parce qu'il y a des choses, bon, la critique de la valeur, des choses qui sont relativement importantes, enfin, dans la liberté de Marx, mais pour Marx dans le texte. C'est-à-dire que l'électrification pour les hommes, c'était pour pouvoir fabriquer des machines à laver le linge pour les femmes et les m'occuper de cette corvée, enfin quoi. Il fallait des machines. Il n'y a que les femmes qui font la lessive. Je sais pas, mais c'est vraiment différent de l'exemple. Non, ça veut dire. Juste sur. Alors, moi je voudrais répondre sur la sécurité sociale parce que ça, c'est le grand bassinement des marxistes. C'est le comment tu as dit ? Le grand bassinement. C'est un bassinement. Oui, les 45 et tout. Le mouvement ouvrier, c'était quand même doté des mutuelles. Et qu'est-ce que l'État, quand il a vu le danger et tout, qu'est-ce qu'il a fait là, après la guerre, il a fait la sécurité sociale. Le mouvement ouvrier n'avait pas besoin de ça, ni de la résistance, ni de quoi que ce soit pour s'auto-organiser et pour créer des mutuelles d'entraide. Voilà. Et ça, c'est une évidence, c'est ce que c'est la fin du 19e siècle, c'est comme ça. C'est ça que vous le voulez ou non, c'est des mots de chaque fois dire la sécurité sociale et tout dans le mouvement ouvrier, et le mouvement émancipateur avait créé ses propres structures bien avant. Voilà, il n'avait pas attendu une quelconque bureaucratie pour. Non, je réponds juste. Vas-y. Il y a une question, demandez, est-ce qu'il y a des références de Kropotkin à Marx, comment il le voit ? Alors, je reprends. Quand je parle de marxisme orthodoxe, dans ces années-là, c'est quoi ? C'est les Allemands, c'est Kautsky, par exemple. Donc c'est la seconde internationale. Kautsky, c'est vraiment, à l'époque, l'orthodoxie. Il donne ce qu'est l'état du marxisme à l'époque. Et il suffit de les lire, hein, le programme socialiste de Kautsky, on voit très bien, c'est développement des forces productives, déclassement de la paysannerie, prolétarisation des paysans, etc. Les anarchistes et Kropotkin, ils ne pensent pas ça. Ils pensent que la paysannerie, c'est une culture en soi. Il faut balancer les activités entre industrie et agriculture. Ils voient les choses d'une toute autre façon. La géographie, par exemple, très présente chez les anarchistes, chez Kropotkin, beaucoup moins, par exemple, chez Chikovsky. Bon, alors après, concernant Marx, moi, j'en ai pas parlé dans mon intervention, tout simplement parce que, historiquement, effectivement, c'est pas exactement la même période. Marx, il écrit plus rien de substantiel à partir de 1870, et alors après, je vais pas rentrer là-dedans, parce qu'en fait, entre 1870 et sa mort en 1883, il y a une sorte de retournement qui est vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il fait, Marx? Il s'intéresse aux populistes russes. Donc il s'intéresse à ce que le mouvement de l'aller au peuple a envisagé comme transition directe entre un État féodal et un État socialiste, sans passer par la classe capitaliste. Et en s'appuyant sur quoi? En s'appuyant sur la communauté paysanne traditionnelle. Et Marx, il n'est pas loin à ce moment-là. Il y a des correspondances avec une populiste qui s'appelle Vera Zasulich, qui va être ensuite connue parce qu'elle va être régicide, où il dit qu'il est tout à fait prêt à réviser son modèle, qui est un modèle d'évolution historique appliqué aux pays d'Occident. C'est le modèle des phases de l'histoire, ou des stades de l'histoire. C'est-à-dire que les forces productives étant développées à un certain stade, à un moment, la classe ouvrière s'approprie les richesses créées par le capitalisme. Donc il faut en passer par la phase capitaliste pour accéder au socialisme. Il dit là, je suis prêt à réviser ça, donc ça veut dire qu'il y a des voies de développement différentes, ça veut dire que le progressisme marxiste, il peut changer. Marx, en fait, évidemment, le Marx, il est passionnant en lui-même, c'est pas du tout une théorie rigide. Alors, ça, j'en parle très peu, je dis simplement que Kropotkin, lui, propose quelque chose pour l'après-socialisme, Marx beaucoup moins, en fait, en les œuvres de Marx. Et par contre, ça j'en ai parlé un peu ailleurs, Kropotkin, il n'aime pas Marx. Il y a une raison qui, à mon avis, est sur la psychosociologie, c'est un Allemand. Donc, la guerre, je suis certain qu'il y a un élément de cet ordre-là. De germanophobie. Voilà. C'est un Allemand. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que c'est un Allemand qui utilise la dialectique. Et donc la dialectique, Kropotkin, je pense qu'en fait, soit il n'aime pas ça, je pense même qu'il n'a pas envie de comprendre. Il est sur d'autres bases. Hein. C'est des bases scientifiques, lui, c'est un évolutionniste. Il a une autre méthode d'approche scientifique. Et surtout, contrairement au marxiste, lui, il pense, ça c'est l'entraide, il pense qu'il y a une certaine continuité entre le naturel et le social, alors que les marxistes, ils coupent. Ils sont discontinuistes. Le social a ses lois qui ne sont pas les lois de la nature. Voilà. Donc, il y a des jugements qui sont très rapides, hâtifs et faux de Kropotkin sur Marx. J'ai aucun problème là-dessus, donc il n'y a pas de... Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de sectarisme. je pense que c'est un peu réductif de dire sectarisme quand on parlait d'autoritarisme et anti-autoritarisme. Le marxisme, c'est une mouvance autoritaire. L'anarchisme, pas. Et ça, je pense que c'est la différence la plus grande qu'on ne parlait pas. C'est un peu compliqué le marxisme parce qu'il y a des tendances pas autoritaires. Marx, oui. T'as des gens qui s'appellent les conseillistes, par exemple, oui. Même les situationnistes qui se référençaient à Marx, c'est quand même des... Oui, mais quand il y a, dans le courant marxiste, il y a des gens avec qui on peut dialoguer. Après, avec les lambertistes, je pense qu'on va avoir du mal. Quand même, parce qu'on n'a pas du tout la même vision de la société. Quoi. Vous voulez bien? Vas-y, pardon. Si tu parles d'un anarchiste, Kropotkin et Marx, si tu ne mentionnes pas le fait qu'il y a une différence de base si grand et incompatible, je pense que c'est un peu juste réductif de penser anarchiste. Il y avait d'autres prises de parole. Il y a Cindy qui voulait parler avant. Oui, moi j'aimerais bien, si tu peux développer un petit peu plus, tu viens d'en parler, je dirais, les liens qu'il y a entre sa position de scientifique, de géographe, aussi l'étude des sociétés animales, puisqu'il a quand même énormément travaillé là-dessus, et il a élargi, je dirais, la vision de Darwin, et sa vision, justement, d'une évolution sur le plan humain. Ouais, tu peux en parler un petit peu Oui, ouais, le lien entre les deux. Alors, en gros, ce qu'il dit, c'est que... je vais essayer de travailler ça avec le vocabulaire actuel. En gros, il dit qu'on a, des instincts, on est des animaux politiques. Et on a des instincts qui sont des instincts, qui peuvent être des instincts d'agression, on a des tendances à l'agression, mais aussi on a des instincts coopératifs. Donc, je répète, le contre-modèle, c'est Hobbes, Thomas Hobbes, théoricien de l'État souverain au XVIIe siècle, qui part du principe que l'homme est un loup pour l'homme, attention, tant qu'il ne le connaît pas, tant que l'autre lui est étranger. Voilà. Et donc, le problème, c'est que dans une société qui va être déjà dès l'époque marchande et basée sur des rapports contractuels, on a évidemment moins tendance à admettre ou avoir envie de connaître les autres. Il suffit le contractualisme, c'est la rupture de la découverte de l'altérité. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de l'État. Donc, c'est pas Hobbes, mais du coup, c'est pas Rousseau non plus. Ou le faux Rousseau, quoi, le fameux bon sauvage. Voilà. C'est pas ça non plus. Disons que Kropotkin, lui, c'est en fait, il réfléchit en termes de contexte. Voilà. Et donc, tu as parlé de Darwin, mais il y a un auteur qui est un biologiste, fondateur de la biologie en France, qui est plus important, je crois, pour comprendre Kropotkin, c'est Lamarck. Alors, pour faire vite, Lamarck, c'est l'idée selon laquelle l'environnement est un facteur très important dans l'évolution et dans la transformation, en fait, c'est pas l'évolution, c'est la transformation des espèces. Et donc, Kropotkin, lui, il pense ça. Il y a toute une série d'articles, moi, que j'ai traduit par ailleurs, qui sont des articles de biologie, justement, sur Lamarck. Voilà. Et où il montre ça. Ça, c'est le chaînon, en fait, qui va permettre de relier nature et histoire. Ouais. Voilà. Parce que ce qu'on a beaucoup opposé à cette théorie, c'est qu'elle était complètement naïve. Et en gros, faire vite, Darwin dit s'il y a de la compétition dans la nature, donc que font les darwinistes sociaux, les ancêtres de Macron, quoi. Ils disent, le plus gros mange le petit. Voilà. C'est normal, c'est la nature, ce que vous voulez faire. On a beaucoup reproché à Kropotkin de prendre le symétrique. Dire, oui, il y a de la coopération dans la nature, donc très logiquement, il devrait advenir d'une société libérée de l'État et du capitalisme, une société forcément coopérative. Alors, il y a parfois un peu de ça, mais si on lit superficiellement, en fait, lui réfléchit en termes de contexte. C'est toujours le contexte qui accentue certaines tendances ou qui les bride. Donc il y a une très grande insistance sur les formes de vie collective. Et c'est pour ça qu'en fait, contrairement à ce qu'on... Moi, j'aime bien toujours rectifier ça. Contrairement à ce qu'on peut croire, Kropotkin, ses dissertations sur les animaux, sur la vie animale, c'est une toute petite partie de son œuvre. En fait, dans l'entraide, c'est un chapitre. Et le chapitre le plus important, à mon avis, c'est le chapitre sur l'anthropologie. Anarchiste. Pourquoi ? Parce qu'il va montrer comment les modes de vie communs fournissent des contextes dans lesquels la pulsion de pouvoir, en gros, est jugulée. Voilà. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très important, et le lien entre nature et société, il s'effectue par là. Il s'effectue de manière crédible. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ce lien avec l'environnement, ce serait une sorte de projection naïve. C'est bien dans la nature, donc ça doit être bien dans la société. Ça me fait penser à Fraser, qui décrit un certain nombre de sociétés dans lesquelles le chef est systématiquement écarté au bout d'un certain temps. De façon d'ailleurs parfois très très brutale. Parce qu'il ne faut pas qu'il reste. Un petit mot, hein, parce que... Oui. D'abord, simplement sur le plan du vocabulaire, c'est un extra. Aujourd'hui, le mot stalinien est devenu une insulte, alors que le mot anarchiste ou trotskiste ne l'est pas. C'est donc quelque chose d'intéressant déjà. Mais par rapport à Kropotkin, comment peux-tu expliquer que dans la guerre de 14-18, il ait choisi le camp des alliés, c'est-à-dire des capitalistes alliés et de la Russie tsariste, contre l'Allemagne. Donc il n'était pas internationaliste ouvrier. Il était d'accord pour qu'on écrase les ouvriers allemands parce qu'ils étaient allemands. Je n'ai pas compris pourquoi il a pris le côté des alliés et de la Russie, donc par conséquent la Triple Alliance, contre l'Allemagne. Ça, un marxiste était pour les ouvriers des deux côtés, et je pensais qu'un anarchiste pouvait lui aussi être pour les ouvriers des deux côtés, mais j'ai découvert qu'il était pas parfait. Comment tu peux ça je peux pas l'expliquer. Nobody's perfect. C'est très difficile. C'est très difficile à expliquer. Il y a beaucoup d'interprétations différentes. Ça reste un mystère. Bon, il n'y avait pas que lui. Manifeste française. Mais pour l'expliquer très clairement, j'ai pas de clé ultime de lecture. Lui pensait que l'Empire allemand était voilà, pire. Enfin, c'est comme les gens qui vont voter démocrate contre l'extrême droite. Je sais pas, c'était dans les. Enfin, c'est. Je trouve que ça. En changeant les choses, parce que là, il y avait des morts à la clé. Là. Et puis, il ne s'imaginait pas que ça allait devenir un conflit. Il a pas changé de position pendant la guerre, au bout d'un moment, non? Il a maintenu sa position jusqu'au bout. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, un peu pour revenir également sur notre discussion tout à l'heure, il y a ces deux lettres, il y a sa rencontre avec Lénine, oui, à la fin de sa vie, hein. Et puis il y a les deux lettres qu'il envoie. Bon, voilà, j'en dis pas plus, il faut les lire. Encore je ici. La version peut-être allemande, tout simplement. De. Par rapport à sa question. Ah oui, la version. Quoi. Oui, parce que des fois, ça peut prendre le. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Oui, parce que. Enfin, dans ce contexte, c'était très clivant. Mais quand il est mort en 1921, il y a eu 100 000 personnes. Et, oui. Et d'autre part, Lénine a libéré tous les anarchistes en tôle pour qu'ils aient. Oui, mais les armées, à la fin d'un serment, ils sont partis. On doit retourner les alliés. Les avaient laissés en tôle. Non, je dirais que c'est quand même assez beau qu'elle ait espéré. Ça ne donne pas du tout envie de rire. Non. Et par contre, ça va, sur Internet, vous trouvez les. Il y a le film des images. Alors, vous tapez Enterrement de Kropotkine et on voit les images. En fait. C'est assez impressionnant. Je voudrais revenir sur la partie que j'ai eue. S'il vous plaît. Your attention. Kropotkin, c'est très important pour nous, que ce soit la consommation qui mène la danse dans la production. Je veux dire, il n'y a qu'à voir actuellement où on allait justement pousser la production qui mène la danse, c'est-à-dire que c'était dans des pays dits capitalistes libéraux ou des pays capitalistes communistes comme l'URSS, la Chine et tout. Il faut voir que cette productivité était là. Nous, on revient de la petite bosse et tout. Il faut voir que cette productivité-là, qui effectivement donne du blé, des quelques du blé à l'hectare énorme, quand on regarde la terre n'a plus, elle n'est plus vivante. Cette terre-là ne vit que grâce aux intrants. Il n'y a plus, à part la production de sons, il n'y a plus aucun petit insecte, il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus de vers, il n'y a plus rien du tout. On se balade dans les champs, on creuse, on trouve, c'est tout. Donc, je veux dire, il a quand même cette idée, il y a un siècle, alors que le productivisme, l'automatisation, les technologies n'avaient pas fait ce grand bond et tout, il a quand même cette prescience de voir que, où ça emmène, je veux dire. Là, j'ai pris l'exemple de l'agriculture, mais on a l'exemple ici autour des temps de verre, des empoisonnements qu'il y a avec les industries du pétrole et tout. Je veux dire, c'est sûr, ça produit, les voitures roulent, elles sont de plus en plus grosses, tout va bien et tout. Mais je veux dire, cette productivité, je veux dire, la productivité n'est pas une fin en soi, que ça soit. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est l'économie qui est la fin en soi, c'est la question qui s'est posée, ou est-ce que c'est nous qui sommes une fin en soi, est-ce que c'est notre propre vie et notre vie collective qui est une fin en soi. Et je pense que lorsqu'il voit déjà tout ça et tout, bon, il reviendrait, il se dirait, mais j'ai vu assez juste ça. Parce que tous les exemples concrets sont là, quoi. C'est-à-dire on est en train de buter contre ça de partout, et pas qu'en Occident, c'est ça encore qui est... Ça serait qu'ici, on dirait, bon, c'est des avancées technologiques et tout, mais on prend la Chine, on prend l'Inde, on prend même une partie de l'Afrique actuellement et tout. On est en train de buter sur cette histoire de productivité, de science qui allait amener le bonheur. On est en train de voir qu'il y a un mur. Et que ce mur, il est de plus en plus près, et le contact, il va venir de plus en plus fort aussi. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai insisté sur la question de la technologie. C'est une question fondamentale. Mais il me semble que le phénomène du communisme anarchiste qu'a établi Kropotkin, il part justement de cette première mesure révolutionnaire qui est de définir les besoins. Et d'inverser complètement les choses dans le marxisme, qui lui disait de maîtriser la production. Donc on ne part pas de la production pour créer des richesses. Et c'est là qu'on se retrouve directement embrayé sur l'écologie, quoi, sur le respect des hommes, mais aussi de l'environnement dans lequel ils vivent. Quoi. C'est-à-dire qu'on part des besoins humains. Et que c'est ça qui va déterminer ce qu'on va produire. À mes yeux, c'est ce qui est le plus important de ce qui va avancer. Alors là, juste une précision, ça, même Marx, il l'a vu, hein, mais comme d'habitude, dans son œuvre, il y a à la fois ça, puis à la fois, il y a la tendance progressiste. Il y a le passage du Capital dans lequel il montre bien que plus la productivité augmente, elle va augmenter sans limite, puisque c'est l'accumulation du capital, c'est la dynamique d'accumulation du capital, plus elle sape les conditions naturelles et plus de sa propre extension, par exemple dans l'agriculture industrielle, en détruisant et en pillant le sol, c'est-à-dire en le rendant inapte à la production, en le laissant mort. Stérilisant. Voilà, stérilisant. Celle que il l'a vu aussi, sauf que c'est pas la tendance majoritaire ensuite, par la suite. Quoi. Mais, alors c'est pour ça aussi qu'on peut. Après, très rigoureusement, dans un petit anachronisme, on peut dire qu'effectivement, l'écologie fait une vision écologique chez Kropotkin. Ça, c'est sûr. C'est pas extrêmement présent, mais ce sont des pistes. Et après, si on a le contexte global de sa pensée, on voit comment ça s'intègre dans son œuvre générale, que ce soit ses écrits-là. Donc j'ai une question sur ta formation, t'es philosophe. Ouais, bon, je fais la... Et un philosophe, c'est un peu spécialisé dans les, je sais pas, des écrivains politiques. Oui, c'est de la philosophie. Alors on peut spécialiser en philosophie politique, mais moi j'ai pas de spécialisation. Moi, j'enseigne au lycée, donc je suis généraliste. C'est général. Après, non, le problème, c'est que l'anarchisme, c'est devenu. C'est le problème, quoi. L'université, c'est une sorte de tentacule. Et bon, elle prend l'anarchisme, c'est bien, il y a un petit parfum dessus. Enfin, voilà. Donc, si on travaille sur l'anarchisme, peut-être que même maintenant, on peut postuler pour des carrières, etc. Ce qui est à peu près le contraire de ce que disait Kropotkin dans ses mémoires. Il disait devenez savant, mais justement devenez savant pour restituer au peuple, aux gens. Quoi. Donc, on peut se spécialiser sur l'anarchisme comme objet d'étude aussi. Bon, après, ce sont d'autres questions existentielles pratiques. Quoi. Ça n'a pas d'intérêt si on vit complètement à l'inverse. Donc, objet d'étude, quoi, selon moi. Et dans le cadre de ton enseignement, ouais. Toute l'année est basée sur Kropotkin. Et au bac, ils ont zéro. Ils essayent de placer Kropotkin, les gamins, ça tombe à côté. Le prof d'histoire, il parle de 1957. Si tu avais été prof de géographie comme moi, ils sont géo, tu aurais eu Élisée Reclus, qu'on a discuté ici, dans une discussion, que j'ai tout lu et tout. J'ai encore des exemplaires de sa nouvelle géographie universelle. Il a signé avec Victor Hugo d'autres choses pour libérer Kropotkin quand il était en Tol. Et de ce point de vue-là, le géographe que je suis est Et lisez, hein. Bon, c'est... On a au moins un point commun. Il y en a, c'est toi qui a dit qu'il n'avait pas de pont. Mais je vais te dire une chose. Je pense que il est extrêmement difficile pour un anarchiste de devenir, marxiste, mais ça existe. Par exemple, Victor Serge. Victor Serge, anarchiste breton, quand il a été attiré par la révolution russe, je le comprends, il a pris contact avec Lénine, avec Trotsky, et pas avec Staline, qui n'existait pas d'un point de vue politique à l'époque. C'était un larbin de rien du tout. Eh bien, il a pris contact avec eux, ils l'ont intégré à la direction du parti bolchevique par rapport à la révolution elle-même, et de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est un mouvement d'un anarchiste qui était quand même resté anarchiste, bien qu'il soit devenu bolchevique. C'est pas synonyme. En fait. Sinon, l'itinéraire de Victor Serge, je connais. Et Victor Serge, il semble qu'il est passé à Marseille par l'affaire. Non, mais après Victor Serge, après beaucoup d'anarchistes à la révolution russe ont été attirés par cette révolution. À force de voyager là-bas, ils sont aperçus, on voit Emma Goldman, son témoignage très rapidement. Après, il y a des écrivains comme Panayiotis Strati, Gilles Rux, c'était assez l'horreur. Et Victor Serge, ben, il était presque au goulag, tout ça. Heureusement qu'il y a eu une campagne pour le faire sortir du RSS. Et si on lit ses textes à la fin de sa vie, bon, effectivement, il était proche de Trotsky à l'époque. Et à la fin, les derniers textes avant qu'il meure, parce qu'il est mort relativement jeune, il remettait en cause la répression de Kronstadt, des choses comme ça. Donc il revenait, il est passé peut-être par le je dirais pas qu'il est devenu marxiste, je dirais qu'il a été attiré par une révolution, c'était son pays d'origine. Après, tu comprends que tu puisses rentrer dans ton pays parce que tu as vécu en exil, enfin, c'était ses parents qui étaient partis. Et puis après, voir que ça va pas du tout, et puis revenir à ses... Après, je vais pas dire qu'il est revenu anarchiste, mais quand même pas loin, quand même, dans les derniers textes. D'autres interventions ? Il était quand même dans le bateau avec... Et c'est bon. Est-ce qu'il y a... Moi, je me demandais, le concept de société, oui. Moi, de ce que je comprends, vraiment, de Kropotkin, c'est qu'on parle de société humaine. Enfin, quand il parle de dette et rapport de réciprocité, c'est dans le cadre de la société humaine. Oui, mais aussi, comme j'ai répondu tout à l'heure, mais aussi dès le niveau animal. Ça, c'était... Ouais. Enfin, oui. C'est vraiment pas le seul. Hein. En fait, il n'est pas très original. Il y a beaucoup de penseurs à son époque qui suivent ce que fait le positivisme. Et dans le positivisme, donc Auguste Comte, il y a une sorte de continuité entre les sociétés animales et les sociétés humaines. Il y a même un auteur qui s'appelle Espinasse, donc, dont il parle dans l'entraide, qui lui a réfléchi sur les sociétés animales. Hein. Voilà. Donc une société, il y a des analyses de Kropotkin sur la réciprocité, même sur l'abnégation. Parce qu'en fait, chez lui, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est la réciprocité, qui implique, c'est du donnant-donnant. Le deuxième niveau, c'est le rapport de sympathie, c'est-à-dire qu'on commence à intégrer le fonctionnement de l'autre et on commence du coup à trouver un terrain commun, on partage du commun parce qu'on anticipe les réactions de l'autre et on est habitué à le faire parce qu'on vit précisément avec les autres. Et sur cette base-là, puisqu'on commence à avoir confiance dans les autres, ce qui n'est pas forcément le cas dans la réciprocité, hein. La réciprocité, elle peut simplement neutraliser un rapport, hein. Elle n'implique pas nécessairement la confiance. C'est pour ça que les libéraux, en fait, ils s'en tiennent à la réciprocité encadrée par le droit. Quoi. Et bien, après ce niveau-là, il y a ce qu'il appelle l'abnégation. Il y a même dans certains textes, pas dans ce recueil-là, mais il parle de l'abnégation chez les fourmis, du sacrifice, chez les abeilles, etc. Quoi. Mais la réciprocité, j'ai du mal à comprendre sur l'histoire de donnant-donnant, parce que, par exemple, moi, la réciprocité, c'est pas... donnant-donnant sur un laps de temps par exemple déterminé, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, c'est quelque chose qui se conçoit sur qui n'est même pas forcément inter-individuel, c'est pas forcément, je vais pas forcément rendre à la personne qui m'a donné. Alors ça c'est, oui, alors, on travaille sur le rapport de don. L'échange aussi. Voilà. Les rapports de don, et là il en parle surtout sur l'anthropologie. Ouais. Donc, et du coup, il envisage sur cette... c'est pas la société... Il parle pas que de la société humaine. Il parle de certaines sociétés de son époque. Mmh. Et après, il en tire une sorte de... Enfin, il va quand même en tirer une sorte de règle universelle. Quoi. Il y a tellement d'exemples dans le monde qu'on peut arriver à établir quand même des constantes, malgré la variété des cultures et malgré la variété des modes d'organisation. Et ces constantes-là, elles sont définies sous le grand chapeau qui s'appelle l'entraide. Mais qui est très vague, en fait. Ah. Quand même, la seule espèce de mammifère qui est jamais d'accord, c'est l'être humain, quoi. Parce que quand on regarde, les bonobos, ils sont d'accord, les troglodytes, ils sont d'accord aussi, même s'ils sont dans la grande, ils sont d'accord. Les fourmis, elles sont d'accord, tout le monde est d'accord, quoi. C'est pour ça. Francis, s'il te plaît. Francis, si vous parlez, là, vous pouvez... Non, mais je veux pas à voix basse. Non. À l'enregistrement, ça s'intègre, on plus rien. Oh. Allez. Enfin, voilà, non, et c'est. Non, je suis dans un oui, clair. Et on voit que, par exemple, le temps, c'est de résoudre avec beaucoup plus de sensibilité dans ce que j'ai entendu, je suis arrivé à plus rapidement. Que des grands théoriciens comme Marx, qui sont assez clivants, en fait. Ben moi je trouve, hein, personnellement. En fait, c'est pareil, Marx, c'est tellement de il y a même des époques différentes. Ouais, ouais, ouais. Mais après, sur la première remarque, je trouve très juste, on peut travailler ce parallèle animaux et humains. Finalement, on n'est pas d'accord, mais c'est là justement que l'anarchisme trouve à s'exprimer. C'est-à-dire que l'anarchisme, il va préserver en gros la diversité à l'intérieur de la communauté humaine, là où le communisme qu'il critique et que Bakounine, dans l'intervention tout à l'heure, je disais, il critiquait à l'époque, c'est la caserne. En fait, la caserne, c'est quoi le modèle? C'est la fourmilière. Et là, l'individu n'existe pas. Il est étouffé. Et donc, c'est pour ça que il y a un texte de Kropotkin sur le communisme et l'anarchie. Le communisme anarchiste, c'est le communisme qui permet à l'individu de trouver les meilleurs appuis pour s'affirmer dans sa spécificité. Quoi. Donc c'est la primitive, c'est un communisme primitif, en fait. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, si je me pose la question à l'être humain, c'est qu'on théorise beaucoup de choses, ouais. On a besoin de ça, ouais. Et pour revenir à des choses assez primitives, au final, sur les conclusions où on a besoin de d'abord on fait instinctivement, par exemple, les sociétés, société communiste primitive, j'entends amérindienne, par exemple, ou à certains les hommes bleus d'Afrique, enfin, et qui eux, alors je sais pas, ils ont une forme de théorie aussi, hein, ils n'en sont pas arrivés là où. Et quand on se penche sur ce genre de livres, on tout doucement serait attiré à revenir à leur communisme primitif. Alors, oui, mais il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur le communisme, justement, et au niveau anthropologique. Ça, il en parle très bien aussi. Dans un autre bouquin, ça s'appelle l'éthique. Attention, parce que l'entraide, c'est toujours pareil, c'est une catégorie englobante. Je peux très bien créer des relations d'entraide à l'intérieur d'une communauté pour m'organiser dans l'hostilité envers l'étranger, envers les autres. Ah, oui. Il y a une commune, Kropotkin, vous savez, alors c'est quand même symptomatique ce truc-là. L'entraide a été édité plusieurs fois. Un monsieur qui s'appelle Alain Soral l'a réédité dans sa maison d'édition il y a quelques années. Parce que l'entraide, ça peut très bien vouloir dire on s'entraide entre nous contre. Et il le voit très bien, Kropotkin, lui, à son époque, il y a des darwinistes sociaux, par exemple, qui travaillent sur un concept qui s'appelle la lutte des races. Donc pas la lutte des classes, mais la lutte des races. Et finalement, dans les communautés primitives, parfois, il décrit une très grande forme de loyauté intra-communautaire, mais qui sert des perspectives d'agression de l'ennemi ou de l'étranger, qui est considéré comme étranger. Donc, attention aux primitives. Beaucoup de choses, il y a un mot que je n'ai jamais entendu. Pour changer les rapports humains, est-ce qu'il faut employer la violence? Est-ce que comme en Russie, ils avaient une armée, est-ce qu'il faut continuer à avoir la violence légale? par un État, ou alors il y aurait une violence légitime car on se révolte, etc. Alors justement, est-ce que Kropotkin a parlé justement de la violence, de la non-violence? Alors la non-violence, il n'en parle pas nécessairement, par contre, très, il parle souvent du rapport de force, hein, et le rapport nécessaire qui est violent. Hein. J'essaye de retrouver, il y a un texte où il le dit très très bien. Il parle du socialisme municipal. Donc il dit c'est très bien, et ça rejoint un peu, ça rejoint la remarque de tout à l'heure sur la révolution. Bien entendu, aucun individu raisonnable ne s'attendra à ce que le socialisme municipal, bon, avec tout ce qu'on a dit sur l'organisation, hein, pas davantage que la coopération ouvrière, ne résolve en quelque mesure le problème social. Ce qui se fait, et il s'agit de tout ce que l'on peut faire, n'est qu'une expérience, une simple leçon de choses à petite échelle. En effet, il est évident que chaque avancée du dénommé socialisme municipal rend les étapes suivantes de plus en plus difficiles. Les jours approchent où toute tentative de cette sorte se heurtera à un mur de propriétaires qui devra être détruit par la force. Voilà. Donc il a un usage, je pense, qui est assez pragmatique de la violence. Quoi. Il n'est pas contre par principe. Par contre, il y a une période, parce qu'il a été aussi considéré, Kropotkin, comme un des grands laudateurs de la propagande par le fait, la religion du poignard. Mais en fait, il y a des textes, il y a un texte où il défend ça, mais ensuite il est revenu sur cette idée-là. Donc en fait, il fallait surtout rechercher au maximum la cohérence entre les moyens et les fins. Voilà. Mais c'est pas un non-violent par principe. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, sinon on continue la discussion dans la salle d'à côté. Jusqu'à minuit. Ouais. Merci. Écoute, merci. Donc, merci vraiment d'avoir traduit ces textes. Merci à Nada de les avoir édités parce que c'est...